On va parler avec un joueur de l'Impact de Montréal, Mathieu Choignard, qui est à sa première année avec l'Impact de Montréal. Connaître un peu sa saison, on sait qu'il a été développé par l'Académie. Bon après-midi, Mathieu. Bon après-midi. Mathieu, c'est ta première année avec l'Impact de Montréal. T'es un gars qui est développé par l'Académie de l'Impact de Montréal. Est-ce que l'Académie, est-ce qu'elle est vraiment formée sur le même style que l'Impact, le gros club? Est-ce qu'on les forme de la même façon? Ouais, je te dirais. Ben, l'Académie, qu'est-ce qu'il essaie de faire, c'est de te mettre dans toutes les situations possibles pour, dès que t'arrives au niveau professionnel, peu importe l'éventualité du match ou de l'entraînement que ça arrive, tu sois capable de t'adapter et de régler la situation. OK. Dis-moi, évidemment, est-ce que la différence est énorme, j'imagine. Là, t'as vu de l'action pas mal dans trois matchs consécutifs. Mm-hmm. Est-ce que la différence est beaucoup plus grande? Oui, il y a une bonne différence entre le niveau de l'Académie et le niveau pro, mais elle est pas, je dirais pas elle est si grande que ça. C'est juste que tout va un peu plus vite. Tout est un peu plus fort. Que je te dirais. OK. C'est un petit peu comme l'équivalent du hockey ou la Ligue américaine et la Ligue nationale. C'est un peu ça la même affaire, là. Ouais, je voudrais ça, c'est à peu près ça. OK. Es-tu content vraiment d'avoir vu de l'action jusqu'à maintenant? Bien sûr, ouais. Ben, depuis que je suis jeune, c'est ça que je veux faire. Puis maintenant que ça arrive, c'est comme, on pourrait dire, un rêve devenu réalité. C'est vraiment des moments spéciaux à chaque fois que je peux embarquer sur le terrain. Donc, j'essaie d'en profiter au maximum. Puis de jouer avec ton frère aussi, ça doit être quelque chose de particulier aussi. Est-ce que plus jeune, est-ce que vous en parliez plus jeune? Que peut-être qu'un jour, ouais, qu'on jouera ensemble? Oui, quand on était plus jeune, on s'en parlait, on en parlait avec mes parents. On se disait, ça serait fou si un jour ça arrive. Puis là, on peut dire qu'on est dans la même équipe, qu'à un moment donné, on le sent que ça vient, donc on y pense toujours, on s'en parle, puis quand ça va arriver, on va dire « wow, quel moment ». L'Académie de l'Impact, c'est vraiment... Est-ce que les académies de chaque équipe, comme Toronto FC, comme Vancouver, comme Montréal, est-ce que c'est vraiment le futur du soccer canadien? Est-ce que c'est demain qu'on va développer nos jeunes pour atteindre et que le Canada devienne une puissance éventuellement? Je vous dirais que oui, puisque le niveau dans les académies, on pourrait dire plus élevé, et où ce que la compétition dans laquelle les académies jouent est aussi plus élevée. Donc, ça t'amène à te développer un peu plus vite, avoir de l'action un peu meilleure. OK. Parle-moi de Rémi Garde. Est-ce que, écoute, c'est un entraîneur qui a joué dans les grandes ligues, qui a joué à Lyon, qui a arbitré à Lyon, pas arbitré, mais je veux dire qui a dirigé à Lyon, donc la Ligue 1 en France. C'est sûr que t'as pas connu les autres entraîneurs, mais est-ce que c'est un gars qui est exigeant? Oui, à l'entraînement, il est exigeant. Il demande beaucoup de ses joueurs. L'avoir comme mon coach, je trouve ça vraiment super, très demandant. Il est beaucoup à l'écoute aussi de ses joueurs. Qu'est-ce que je trouve ça formidable. Donc, oui, à l'entraînement, il est très exigeant. Fait que ça nous pousse à nous surpasser et à devenir des meilleurs joueurs. Comment tu vois la fin de la saison de l'Impact? Ça a été difficile au début de l'année. On disait qu'on pensait que ça allait être difficile, mais là, ça va beaucoup mieux. Deux matchs nuls contre des équipes très difficiles à la maison, soit Portland et également Salt Lake City. Ça doit donner confiance à l'équipe, ça, quelque part? Oui, ça donne beaucoup confiance. Tu vois que aux entraînements et même aux matchs, les joueurs sont en confiance, les gars sourient, les entraînements, on prend beaucoup de fun. Donc, pour la fin de saison, moi, je vois juste du positif. Tu vois, on est en course pour les playoffs. Je sens que tout le monde va tout donner pour pousser pour faire les playoffs. Puis après ça, on espère faire quelque chose de bien en playoffs. OK. Ben, on va te souhaiter la meilleure des chances, Mathieu. Évidemment, c'est pas mal le fun d'avoir un autre Québécois qui s'aligner avec l'Impact de Montréal. Je pense que les académies, c'est l'avenir. Pour le plaisir de se reparler. Parfait, merci. Mathieu Choignard de l'Impact de Montréal.